Chapitre 7. Dans la matinée du lendemain, Madame de Camparennes fit appeler Gemma et, après lui avoir dit quel contentement elle éprouvait de ses fiançailles de son petit-fils avec cette délicieuse et parfaite Marot, elle ajouta « Mais ceci, ma chère enfant, va un peu changer votre situation, car vous ne pouvez continuer à remplir ce rôle d'institutrice près des belles filles de votre sœur. » « Je n'y verrai pour ma part aucun inconvénient, madame. Toutefois, si vous jugez préférable... »« Tout à fait préférable, ma chère Gemma. Me permettez-vous de vous appeler ainsi, puisque vous allez être alliée à notre famille ?»« Mais certainement, madame. » »« Donc, voici ce que nous pourrions faire. Mon mari s'est déjà rendu compte de la valeur que vous auriez pour lui comme collaboratrice. » S'il vous plaisait de vous consacrer à cette tâche, il mettrait en train, après l'ouvrage en cours sur les anciennes familles de Provence, un autre travail plus important. Voulez-vous vous y associer ? Je ne demande pas mieux, madame, mais je regretterai mes gentils élèves auxquels je m'attachais déjà. Elle pensait à Aubert surtout, l'autre sera toujours heureuse avec n'importe qui, mais celle-là... Vous continuerez de les voir, de vous en occuper moralement, si elles vous intéressent. Du reste, je ne chercherai pas tout de suite une autre institutrice. Le mariage aura lieu fin juin. Nous partirons aussitôt, mon mari, moi, vous et les enfants, pour Dinard. Le médecin que j'ai consulté en votre absence pour Aubert la trouve anémiée, languissante et conseille l'air de la mer. Oui, elle semble de constitution délicate, dit Gemma. Comme sa mère, cette pauvre Juliette a traîné longtemps avant de mourir. Les médecins n'ont jamais pu savoir ce qu'elle avait. Eh bien, cher enfant, c'est donc entendu. À notre retour, en septembre, vous deviendrez exclusivement la collaboratrice de mon mari. C'est entendu, madame, du moment où cela convient aussi à monsieur de Camparennes. Si cela lui convient, il est ravi à la pensée de vous avoir tout à lui pour fouiller dans ses chères paperasses. Mais il ne faudra pas vous laisser accaparer, Gemma. Il le ferait sans bien s'en douter, car les hommes sont terriblement égoïstes, voyez-vous. Gemma l'avait su par expérience au cours de la collaboration qu'elle apportait à son père. Mais combien plus facilement elle eût supporté cette fatigue qui lui imposait parfois si elle avait trouvé chez lui cette affection dont il gratifiait Mao. Quand elle rapporta à sa sœur cet entretien avec Madame de Camparennes, Mao dit avec satisfaction « J'aime mieux cela. Cette situation aurait été gênante pour toi comme pour moi. Madame de Camparennes y a heureusement songé. C'est une preuve de délicatesse de sa part. » Et ce fut de nouveau un hymne en faveur de tous les Camparennes, hors Salvatore, qui fut passé sous silence. Pas plus aujourd'hui qu'hier, Gemma ne s'y associa. Mais elle ne cherchait plus à changer les idées de Mao. Grisée, enthousiasmée, celle-ci s'en allait vers son destin. Dès ce jour, Gemma reprit en main ses élèves. Joyce manifestait avec expansion sa joie de la revoir. Mais la fine observatrice qu'était Gemma avait déjà saisi des fausses notes dans cette nature enfantine. Joyce n'était pas franche. Elle se permettait volontiers de petites hypocrisies, d'habiles mensonges. En outre, elle cherchait à déprécier sa sœur, à lui nuire sournoisement. Tenait-elle donc de la nature paternelle ? En tout cas, la première sympathie de Gemma pour elle s'était fort atténuée, faisant place à quelque méfiance. Aubert semblait plus renfermé, plus mélancolique que jamais. Ses joues s'étaient creusées encore, son teint paraissait plus pâle, le cerne sous ses yeux s'élargissait. Aux questions de Gemma, elle répondait « Oui, je suis fatiguée, je n'ai pas faim. » Et Joyce disait, en levant les épaules, « Je crois que tu pourrais te secouer un peu. Comme le dit papa, tu t'écoutes trop. » Aubert jetait sur sa sœur un regard triste où se discernait un reproche, mais elle ne répliquait rien. Deux jours après son retour, vers la fin de la matinée, Gemma emmena les enfants en promenade dans le bois derrière le parc. Joyce courait, s'ébattait avec un petit chien que lui avait donné son père. Aubert marchait près de Gemma. Tout à coup, une petite main froide saisit celle de la jeune fille. « Mademoiselle, je... » Et avant d'avoir pu achever sa phrase, Aubert glissa à terre. Gemma s'agenouilla, la prit entre ses bras. L'enfant était sans connaissance. À Joyce, qui accourait à son appel, Gemma lui dit d'aller chercher du secours. « Je pourrai voir si l'oncle Salvatore est chez lui. C'est le plus près. »« Vous avez raison. Allez vite, mon enfant !» Ce fut en vain qu'en attendant, Gemma essaya de ranimer la petite fille. Elle eut un soupir de soulagement en voyant apparaître Salvatore, que suivait Joyce. « Emportons-la chez moi d'abord, dit-il. Ce doit être un simple évanouissement dû à la faiblesse. Cette petite aurait dû être soignée sérieusement depuis longtemps. » Il la prit dans ses bras et descendit rapidement la pente boisée. Gemma le suivait avec Joyce. Salvatore dit à l'aînée de ses nièces « Va ouvrir la porte de l'atelier, Joyce !» En passant près du dauphin de pierre, dont la gueule laissait échapper l'eau intarissable de la montagne, Gemma, Salvatore et Joyce entrèrent dans une grande pièce éclairée par deux larges baies vitrées. Elle était pavée de marbre noir et blanc, tendue de tapisseries anciennes représentant des scènes pastorales. Quelques très beaux tapis d'Orient, quelques précieux meubles et sièges anciens en décoraient une partie. L'autre était réservée au travail du sculpteur, ainsi qu'en témoignaient quelques statues et plusieurs blocs de marbre, dans l'un desquels se discernait l'ébauche d'un corps de femme. Salvatore étendit sa nièce sur un divan de vieille brocatelle et quitta un instant l'atelier. Il revint, apportant un petit flacon qu'il ouvrit et dont il fit couler une partie du contenu entre les lèvres d'Aubert. « Une vieille recette de mes aïeuls corses, dit-il en s'adressant à Gemma qui soutenait la tête de l'enfant. « Très efficace, voyez ?» Aubert soulevait ses paupières. À la vue de son oncle, son regard s'éclaira un instant. « Allons, voilà qui est mieux, petite fille, un simple malaise dont il ne sera plus question tout à l'heure. » La voix de Salvatore, que Gemma avait connue jusqu'ici brève et presque sèche, prenait des inflexions adoucies. Et de la douceur aussi, changeait l'expression des yeux sombres. « Je suis bien fatiguée, » murmura Aubert. Gemma mit un baiser sur le front de l'enfant. « Vous allez bientôt vous reposer dans votre lit, ma petite Aube. Joyce pourrait aller demander une voiture au château, n'est-ce pas ?» Gemma levait la tête vers Salvatore. Il répondit « C'est inutile, je vais téléphoner au garage pour qu'on m'amène la mienne et je vous emmènerai toutes trois. » Il passa dans la pièce voisine et Gemma l'entendit téléphoner. Puis il revint et avança un fauteuil pour la jeune fille, jusqu'alors agenouillée près du divan. « Asseyez-vous, mademoiselle, ne vous fatiguez pas ainsi. » Gemma se releva et jeta un coup d'œil autour d'elle. « J'aimerais voir vos œuvres. Celles que je connais sont tellement belles. »« Mais c'est facile. J'ai peu de choses ici. J'en ai donné à des églises, à quelques amis. Voici une vierge rose, un enfant endormi. C'est le fils d'un ami, un délicieux bambin. Un ange que je viens de terminer et qui est destiné à être mis sur un tombeau. » Quelle admirable expression d'extase, d'adoration! D'un geste instinctif, Gemma avait joint les mains, comme si elle s'associait à l'hommage du pur esprit envers la majesté divine. Salvatore attachait sur elle un discret regard où se discernait cependant une attention aiguë. Joyce tournoyait dans l'atelier en jetant pourtant des regards curieux. Cela déplut sans doute à son oncle, car il lui dit sèchement « Reste un peu tranquille, je te prie, tu vas fatiguer ta sœur. » Elle se rapprocha et vint prendre la main de Gemma avec une mine câline. C'est joli, dites, mademoiselle. Oh, bien mieux que joli. Ce n'est pas le mot qui convient. Salvatore, d'un geste machinal, passait la main sur un petit vase de marbre rose d'un galbe parfait. Quelques œillets, quelques roses y avaient été déposés par une main d'artiste. D'autres fleurs encore s'élançaient d'un vase de vieux moussier à long col. « J'aime beaucoup les deux nymphes qui décorent l'entrée de votre demeure, » dit Gemma. « L'une d'elles surtout. Elle est si vivante. » Une ombre parut tomber sur la physionomie de Salvatore. Ses lèvres eurent une crispation légère. Vivante, elle l'était tellement. La voix de Joyce s'éleva. « Auberte dit qu'elle ressemble à sa maman. » Salvatore ne parut pas entendre cette remarque de sa nièce. Il se rapprocha d'Auberte, dont les beaux yeux cernés demeuraient attachés sur lui et sur Gemma. « Te sens-tu mieux, petite fille ? » demanda-t-il en posant sa main sur le front un peu brûlant. « Oui, mon oncle. » Gemma s'assit près d'elle et prit sa main, elle aussi trop chaude maintenant. « Vous avez la fièvre, petite aube. Il va falloir rester tranquillement au lit. »« Oh, je ne demande pas mieux. Je suis si fatiguée. » Salvatore fronça les sourcils. « Cet enfant a besoin d'être sérieusement soigné, » dit-il à mi-voix. « Madame de Camparène a consulté un médecin qui a conseillé un séjour à la mer. Nous devons partir aussitôt après le mariage. » Salvatore lui jeta un vif regard. Après un coup d'œil vers Joyce, occupé plus loin à regarder un des tableaux pendus au mur, il demanda, en baissant encore la voix, « Me trompais-je en pensant qu'il vous déplaît, ce mariage-là » Elle dit spontanément, « Oh non, vous ne vous trompez pas !» Elle eut l'impression d'une détente sur la physionomie de Salvatore. Mais, à ce moment, la voiture arrivait, Joyce se rapprochait. Salvatore prit Auberte dans ses bras et alla l'installer sur les coussins. Puis, quand il eut aidé Gemma à monter, il prit place auprès du chauffeur et remit la voiture en marche. En un instant, elle se trouvait devant le château. Auberte, emportée par son oncle, fut remise aux soins d'Aurélie et Gemma vint la rejoindre, tandis que Salvatore allait prévenir Madame de Camparène de l'incident. La vieille dame arriva peu après. Son œil sévère examina le petit visage fatigué, sa main sèche tapota la main amaigrie, maintenant brûlante. « Encore de la fièvre. Vous téléphonerez au docteur Gendre pour qu'il vienne cet après-midi, Aurélie. » Puis, en s'écartant du lit, elle ajouta à voix basse, en s'adressant à Gemma, « Avec la pauvre santé de la mère, nous ne pouvons nous étonner de la voir ainsi. » « Mademoiselle de Rambertin me disait qu'elle était bien portante avant son mariage. » Fausses apparences, car depuis la naissance d'Auberte, elle n'a fait que languir pour mourir 2 ans plus tard. Les médecins n'ont pu déterminer sa maladie. En tout cas, ce fut un grand chagrin pour mon pauvre Lionel. Déjà, auparavant, Laura, si belle, emportait brusquement. Madame de Camparène soupira. Il a déjà bien souffert, mais la charmante Mao lui fera oublier tout cela. « Eh bien, mon enfant, je vous laisse. Faites-moi prévenir lorsque le docteur sera là. » Quand elle eut quitté la pièce, Gemma se rapprocha d'Auberte et mit un baiser sur son front, ce baiser que ne lui avait pas donné son aïeul. Une révolte s'élevait dans l'âme de la jeune fille contre cette sécheresse de la comtesse pour l'enfant malade, contre son attendrissement à l'égard de Lionel, alors qu'elle n'avait pas un mot de pitié pour la jeune femme morte à 22 ans, laissant après elle une pauvre petite fille vraiment orpheline, puisqu'elle ne comptait pas pour son père. Sous le baiser de Gemma, Auberte souleva ses paupières et dit à mi-voix « Il faut m'aimer !»« Oui, ma chérie, je vous aimerai !» Comme Aurélie revenait, Gemma s'en alla dans sa chambre où elle trouva Mao qui venait de recevoir une lettre de sa mère en réponse à celle lui annonçant ses fiançailles. Madame d'Orquier manifestait une grande joie et annonçait qu'elle viendrait assister au mariage de sa fille. « Tu vois que maman n'est pas comme toi. Elle est ravie de la chance qui m'échoit, » dit triomphalement Mao. « C'est qu'elle ne connaît pas le fiancé. Elle sera conquise par lui dès qu'elle le verra. » Gemma pensa. « Oui, c'est exact. Elle ne discernera pas ce qu'il y a d'inquiétant chez cet homme. » Lionel m'a dit de l'inviter à venir quelque temps avant la cérémonie, continuait Mao. Du reste, il compte lui écrire ces jours-ci. Eh bien, qu'est-ce qu'elle a, cette petite Auberte? Elle s'est trouvée mal, m'a dit grand-mère. Oui, heureusement, nous n'étions pas très loin de la demeure de M. Salvatore. L'état de cet enfant est inquiétant. Sa mère était une pauvre petite nature, m'a dit Lionel. « Ce n'est pas ce que prétendent ceux qui l'ont connue avant son mariage. Elle ne paraît pas telle non plus dans son portrait et la statue de M. Salvatore. « Oh, ce Salvatore, en voilà un vers qui tu devrais bien tourner ta vindicte, car c'est un détestable orgueilleux et, qui plus est, un fameux hypocrite. »« Un hypocrite, lui, j'en doute fort. Pourquoi dis-tu cela ?» Mao se mit à rire. Figure-toi que j'ai compris, à quelques mots de Lionel, qu'il avait fait la cour à la jeune Juliette et que celle-ci n'y serait pas restée insensible. Gemma eut un geste de protestation. C'est un mensonge de Lionel, certainement. Et pourquoi serait-ce un mensonge? Pourquoi ce monsieur, bien qu'il pose pour le grand chrétien, n'aurait-il pas convoité la femme d'autrui? En tout cas, je ne le croirai jamais tant que je ne le saurai pas d'une autre source que celle-là. À ton aise, dit Mao, visiblement très vexé. D'autres personnes ici pourraient sans doute te renseigner à ce sujet. Aurélie, par exemple, qui était la femme de chambre de Juliette. Mais peu importe, d'ailleurs, ce que tu crois ou ne crois pas. Ce qui est révoltant, c'est ta partialité contre Lionel. Il s'est bien aperçu de ton antipathie, lui qui est si fin, et il m'a dit hier, « Il faudra que je fasse la conquête de votre sœur. »« Il y aura beaucoup de peine, » riposta froidement Gemma. Quand Mao eut quitté la chambre, Gemma s'habilla pour le déjeuner, puis elle s'assit près de la fenêtre et appuya son front contre sa main. Elle pensait à ce que venait de lui dire Mao. Invention de Lionel, certainement, pour expliquer son aversion à l'égard de son cousin. Ou bien, peut-être, Salvatore avait-il témoigné de la compassion à la jeune femme malheureuse et Juliette y avait-elle été trop sensible? Oui, ce pouvait être cela. Gemma se souvenait de l'émotion qui avait un instant adouci la voix de Salvatore, tandis qu'il disait « Elle était si vivante ». Il aurait eu pitié d'elle, une pitié un peu amoureuse peut-être. Mais si Lionel l'avait deviné, cela suffisait pour qu'il jetât de la boue sur sa femme et son cousin. Et dire qu'il était impossible d'ouvrir les yeux de Mao. Non, Gemma sentait bien que, dût-on lui prouver que Lionel avait été mauvais mari, elle s'obstinerait à ce mariage, miroir éblouissant pour cette alouette. Avec un soupir, Gemma releva la tête. Devant elle, dans la pure lumière du midi, s'étendait la belle perspective des terrasses et des bois. Dans une allée errait la naine, aujourd'hui vêtue de rouge. Elle traînait après elle, au bout d'une laisse, le péquinois de Madame de Camparène. Gemma détourna la tête. La vue de cette créature anormale, traitée en mascotte par la comtesse, lui était singulièrement désagréable. Zora ajoutait encore à l'atmosphère un peu trouble de cette demeure, dont elle avait ressenti le malaise dès son arrivée. L'inquiétant Lionel, cette vieille dame au cœur sec, assez mystérieuse, cette Laetitia énigmatique dont les yeux semblaient renfermer tant de ténèbres. Et il y avait aussi Aurélie. Cette calme et douce Aurélie qui était entrée ici peu de temps avant la mort de la première femme et qui avait servi Juliette. Dans les yeux de la mulâtresse, Gemma voyait parfois comme une inquiète tristesse, surtout depuis les fiançailles de Mao. Celle-ci avait dit à sa sœur qu'elle pouvait se renseigner près de l'ancienne femme de chambre de Juliette. Certes, Aurélie devait être au courant de bien des choses, mais elle semblait d'une inviolable discrétion. Jamais un mot concernant ses anciennes maîtresses n'était sorti de ses lèvres, et Gemma aurait jugé indélicat de l'interroger à ce sujet. Quant à Salvatore, peut-être lui aurait-il dit quelque chose si elle lui avait montré son anxiété. Peut-être. Mais à quoi bon? Mao ne se rendrait à aucune raison, et surtout pas à ce que pourrait dire le cousin, adversaire déclaré de Lionel, dont celui-ci avait pris soin de ruiner par avance le témoignage en le calomniant. Il n'y avait qu'à laisser le destin s'accomplir en priant pour la folle Mao.